Histoire, Xavier Mauduit. Sommes-nous tous descendants de nomades? L'immensité de notre histoire est faite de nomadistes. Nous sommes sédentaires depuis peu. D'ailleurs, il existe encore plein de nomadés. Puis qu'est-ce qu'un nomade? Dans le cours de l'histoire, aujourd'hui, nous chassons, nous cueillons. Boris Valentin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un nomade ? Un nomade, c'est quelqu'un qui se déplace régulièrement, de manière organisée, réfléchie, en fonction de ses activités, et qui a un mode de vie qui est finalement le mode de vie qui fut le plus courant dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est à peu près 99,7% de notre histoire fut nomade. Nous sommes une espèce nomade. Donc nous pouvons le dire, nous sommes tous et toutes descendants de nomades. Absolument, et puis il y a encore beaucoup de nomades aujourd'hui, de moins en moins, mais des gens ont conservé un mode de vie qui n'a plus rien à voir avec les modes de vie que nous étudions en préhistoire, mais qui néanmoins se passe de l'implantation à demeure quelque part. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Claudine Carlin, bonjour. Bonjour. Au moment d'évoquer le nomadisme, nous pouvons aussi affirmer que le nomadisme est pluriel. Ça veut dire plein de choses, nomade. Voilà, je crois que la notion de nomade recouvre énormément de cas de figure. Il y a eu il n'y a pas longtemps un colloque au Muséum d'Histoire Naturelle, justement pour essayer de définir un petit peu comment chacun voit le nomadisme. Et on s'est rendu compte selon les cas, on le voit de manière différente. Et d'ailleurs, votre semaine va montrer au cours de la semaine qu'il y a différentes sortes de nomadisme. Ce qui est certain, c'est la mobilité. Comme disait Boris, la mobilité, elle remonte à nos origines. Et il est vrai que les animaux sont mobiles, pour beaucoup, et que au départ, on a eu un mode de vie qui était presque un mode de vie qui relevait de l'animalité. C'est-à-dire qu'on circule, on s'approvisionne sur la nature, mais on ne la domine pas, on ne l'apprivoise pas. Et puis petit à petit, il y a eu, moi, ce que j'appellerais un apprivoisement du territoire. C'est-à-dire que les nomades que nous étudions, Boris et moi, ils ont des circuits dont on sait qu'ils sont connus, définis. Les groupes savent qu'à tel endroit, ils vont trouver telle chose. Il faut qu'ils aient des animaux, il faut qu'ils puissent chasser des animaux, qu'ils puissent avoir des végétaux, des matières minérales, plus des objets divers, comme des coquillages, etc. Et donc, on connaît, on sait qu'ils circulent. Ce qui était un peu un paradoxe, c'est que aujourd'hui, le nomadisme est un peu défini par rapport à la sédentarité. Or, les hommes préhistoriques ne sont pas sédentaires. Et surtout, ils sont aussi, dans la majorité des groupes nomades aujourd'hui, sont des groupes d'éleveurs. Enfin, une grosse majorité des nomades sont des éleveurs qui suivent leurs troupeaux. Les hommes préhistoriques ne connaissent pas la domestication des animaux, ils chassent. Et enfin, nous, archéologues, nous les étudions dans un lieu, puisque nous fouillons une de leurs occupations. La majorité du temps, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, on ne sait pas très bien où ils vont, et nous étudions leur mobilité. C'est donc un peu un paradoxe. Oui, c'est ce paradoxe, c'est intéressant, parce que pour étudier une ville, ben nous voyons, la ville elle est là, Pompéi, on fouille, on trouve Pompéi, c'est formidable, mais Boris Valentin, dès qu'il est question d'étudier le nomadisme, vous archéologues, vous ne pouvez étudier que l'endroit où ils se sont arrêtés, éventuellement le long du chemin, ils peuvent laisser des choses. Absolument, ce sont des petites fenêtres, en fait, sur une réalité beaucoup plus complexe, qui est faite en fait de réseaux. Les territoires des hommes préhistoriques ont été beaucoup vus comme des espèces de surfaces, comme la géographie de la sédentarité sera. La géographie de la sédentarité, c'est une géographie de surface, de terroir, avec des limites, des frontières. La géographie des nomades, qu'ils soient préhistoriques ou actuels, c'est une géographie de réseau. Et nous, on a des petites fenêtres là-dessus. Et évidemment, il nous manque l'intermédiaire. On a les lieux où les gens ont stationné pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais on n'a pas les trajets. En revanche, on peut reconstituer les origines, c'est-à-dire que à partir du site, en regardant les matières premières qu'ils ont abandonnées sur place, on peut pister, tracer les lieux qu'ils ont, les zones qu'ils ont fréquentées auparavant. Mais on n'a pas l'intermédiaire. On n'a pas l'intermédiaire entre la zone fréquentée avant et la station. C'est cela aussi qui est passionnant. D'autant que ce qui nous permet d'avoir ces petites fenêtres, c'est aussi que on retrouve sur les sites des objets qui sont importés. C'est-à-dire, on sait qu'ils n'ont pas été ramassés dans les environs. Par exemple, il y a des coquillages méditerranéens, je vous dirai pas le nom parce que j'ai complètement oublié, c'est trop compliqué, mais on les retrouve à 500 km à peu près dans la région de Bordeaux, mais on les retrouve aussi à plus de 1000 km dans le nord de la France. Or, c'est pas possible qu'ils aient fait ces 1000 km. Donc, ça veut dire qu'en même temps, ces groupes, en même temps qu'ils circulent pour leur nourriture, pour avoir les matériaux dont ils ont besoin, ils ont aussi des rencontres. Ils circulent pour se rencontrer et échanger. Au moment de réfléchir au nomadisme préhistorique, ce nomadisme nécessite de réfléchir à la géographie, à l'espace, bien sûr, et au temps, parce que nous disons préhistoire, mais qu'est-ce que ça veut dire préhistoire ? Allez, petit tour en arrière, plusieurs millions d'années. Parmi nos ancêtres, Ergaster est le conquérant. Il va découvrir le monde. Une terre vierge, prête à être explorée. Suivent-ils des troupeaux d'animaux ? Ou est-ce cette envie d'aller toujours plus loin, de franchir les limites ? Cet esprit de conquête qu'Abilis lui a laissé. Le grand voyage continue. Il dure des millénaires. Ergaster s'adapte à de nouvelles conditions et il évolue. Quand il arrive en Asie, il a grimpé d'un degré dans la compréhension du monde. Il est devenu celui qu'on appelle Homo Erectus, l'homme dressé. Plus qu'aucun autre, il va soumettre la nature. Un extrait de l'Odyssée de l'espèce. Alors là, nous sommes bien, bien, bien avant les hommes, les femmes que vous étudiez l'un et l'autre, hein, près de 2 millions d'années avec Ergaster. Mais il y a une idée essentielle. Ça, c'est des migrations. Mais, c'est pas la même chose. C'est ce que, voilà, exactement. J'allais vous poser la question. L'histoire même de l'humanité est faite de migrations, de déplacements. Quelle différence entre cette notion de nomadisme et de migration? Est-ce que ce sont des nomades qui ont quitté l'Afrique, qui se sont déplacés et puis qui ont dès lors migré? Comment on peut concevoir tout cela, Boris Valentin? Bon, déjà, je voulais dire que c'est un texte un peu daté, hein. Soumettre la nature, un homme préhistorique n'aurait jamais dit ça. Hein. Là, on est vraiment exact. Dans notre monde occidental très, très, très récent. Ça, c'est une espèce de paradoxe dans l'histoire de l'humanité qui, à mon avis, est très intéressante. L'espèce humaine est une espèce territoriale. Et pour autant, elle s'est affranchie assez vite des écosystèmes habituels, en particulier des écosystèmes de savane où les premiers humains sont apparus en Afrique. Et à partir de moins 1 million d'années, on a poussé par nous ne savons pas quoi, la curiosité peut-être, ou bien des situations de crise. C'est une éventualité, mais qui n'est pas mesurable archéologiquement. À partir de moins 1 million d'années, il y a des humains qui sortent très très progressivement d'Afrique. Tout ça est à remettre à l'échelle des temps préhistoriques très très très anciens. Donc ça peut être des petits déplacements progressifs et qui petit à petit vont s'affranchir des écosystèmes d'origine. À partir de moins 500 000 en Eurasie, c'est clair. Et c'est ce qui va fonder peut-être une des originalités de notre espèce dans le règne animal. C'est justement que ce paradoxe entre une espèce qui est à la fois qui a un mode de vie territorial et qui est en même temps poussée par la curiosité ou par des nécessités d'adaptation est capable de transgresser les limites habituelles de son mode de vie. Là, c'est bien sûr les inventions techniques qui vont permettre cette transgression. À partir de moins 500 000, notamment, on a des peuplements assez septentrionaux en Eurasie et qui montrent très probablement que les gens disposent de moyens de se couvrir et de lutter contre le froid et de s'adapter à ces écosystèmes qui n'ont plus rien à voir avec les écosystèmes d'origine. Moins 500 000, c'est le feu, c'est ça? Je rebondirai sur un mot que vous avez utilisé qui est la notion de temps. Il me semble qu'on peut dire que le nomade associe dans ses connaissances une maîtrise du temps et de l'espace. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le temps, c'est les saisons, c'est les moments où on peut s'arrêter à un endroit, où il faudra repartir parce qu'il va faire trop froid, il y a trop de vent, il n'y a plus rien à manger. Et c'est l'espace dans lequel on va pouvoir évoluer en sachant qu'à tel endroit on trouvera telle chose, à tel endroit on trouvera telle chose, à tel moment de l'année, par exemple sur le site que Boris et moi avons fouillé, on a des retours successifs des Magdaléniens, donc parmi les derniers, le paléolithique supérieur, la fin du paléolithique, ils sont revenus très régulièrement, exactement au moment où passaient les rennes qui descendaient vers leur pâturage d'hiver. Il y a donc cette association temps-espace qui me paraît importante dans la connaissance des nomades. Quel est ce site que vous avez fouillé l'un et l'autre? Pincevent, où tout commence, où tout recommence, qui a été découvert en 1964. Claudine y était. Oui. Donc elle peut nous raconter. Mais c'est un endroit où se sont refondées les méthodes de l'archéologie préhistorique. C'est là où le roi Gourand a opéré une véritable révolution dans les méthodes de fouilles, méthodes d'enregistrement et méthodes analytiques. Mais ça, je crois que ça allait avec le fait que pendant très longtemps, on a fouillé dans les grottes. Parce que l'homme préhistorique habitait les grottes. On a pris ça dans nos livres d'histoire. Or, quand vous habitez dans une grotte, c'est comme quand vous habitez dans un studio. Si vous avez une table, vous allez poser votre ordinateur, puis lors du déjeuner, vous avez enlevé l'ordinateur, mettre votre assiette, et puis après, vous avez enlevé votre assiette, vous allez mettre autre chose. C'est-à-dire que vous êtes constamment en train de refaire de l'espace et les choses s'accumulent, donc sont beaucoup plus difficiles à lire. Et l'idée de Leroy Gourand, qui est à la fois ethnologue et archéologue, qui est préhistorien, il recherchait un endroit de plein air où il pensait que les activités ne seraient pas contraintes par des parois. Et il s'est trouvé, donc on a eu la chance de tomber sur Pincevent, qui était l'endroit idéal pour qu'il puisse développer ce que disait Boris, développer ses idées, et pour pouvoir répondre à ses intentions, à ses idées, développer des méthodes. Et c'est comme ça qu'effectivement, ça a été une révolution de l'archéologie. Claudine oui. Carlin, Pincevent, nous sommes où et quand? Nous sommes au confluent de Lyon et de la Seine, donc en dessous de Fontainebleau, entre Fontainebleau et Moret-sur-Loing, sur la rive gauche de la Seine, et environ 13 000, moins 13 000. Donc c'est vraiment la fin de la préhistoire. Oui, donc c'est nous, en fait, qui habitent Pincevent. Ce sont des homo sapiens, on dit aussi l'homme de Cro-Magnon. Et ces humains qui sont apparus il y a 300 000 ans en Afrique sont arrivés en Europe, encore des migrations progressives, en plusieurs vagues sans doute. Il y a une très belle découverte qui vient d'être publiée et qui fait les gros titres des journaux d'une première entrée qui évoquerait une première entrée de ces sapiens vers moins 50 000, peut-être même encore un peu avant en Europe. Bref, entre moins 50 000 et moins 40 000, par plusieurs vagues successives, les homo sapiens, notre espèce, l'homme de Cro-Magnon, entre en Europe. Vous avez la grotte Chauvet, qui fait partie des premières créations spectaculaires de cet homo sapiens. Et se développe ensuite ce qu'on appelle le paléolithique récent, dans notre jargon. Et là, on est à la fin du paléolithique récent, dans ce qu'on appelle le courant culturel magdalénien, qui est un grand courant européen, qui là aussi transcende les frontières des territoires. Tu parlais, Claudine, tout à l'heure de ces petits coquillages qui circulent. Ces petits coquillages matérialisent, en fait, des réseaux d'affinités, des réseaux d'alliances, de territoire en territoire. Nous parlons de Pincevent. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'au moment où nous, sapiens, habite Pincevent, l'homme néandertal qui était là en Europe, a disparu. Il n'est plus là. Mais petite parenthèse antérieure, néandertal qui habitait l'Europe avant Sapiens était déjà un homme nomade ou était-il un peu sédentaire? Tout le monde était nomade. Tout le monde était normal, il n'est pas question de sédentarisme. La sédentarité arrive, Boris pourra en parler beaucoup plus tard, parce que petit à petit, il y a eu d'abord la domestication, et puis probablement au départ, non pas de l'agriculture, mais on faisait attention de la même façon qu'avant la domestication. Par exemple, à Pincevent, il n'est pas du tout exclu que... Ils sont nomades, ils sont chasseurs, mais ils surveillent le troupeau. C'est-à-dire qu'ils savent que le troupeau va revenir chaque année. Et donc, ils vont abattre des bêtes qui ne mettent pas en danger le troupeau. De manière à maintenir... Mais le troupeau est sauvage et les hommes ne les suivent pas, ne courent pas derrière eux. Mais simplement, ils font attention. De la même façon, on pense maintenant qu'ils faisaient attention à certains endroits de laisser des plantes pour que cette plante prospère et qu'ils puissent les retrouver. Donc ça, c'est pas de la sédentarité, mais c'est un début de quelque chose qui va nous entraîner vers la sédentarité dont on pense aujourd'hui que c'est un de nos problèmes. Boris Valentin. En fait, je crois qu'il faut sortir d'une binarité sur le sujet, comme le dit Claudine. C'est-à-dire qu'en fait, on a toute une palette depuis la sédentarité, absolue que nous connaissons. Encore que, il y a des mouvements pendulaires même dans nos sociétés, à la faveur des congés, etc. On est tous un peu nomades quelque part. Bon, mais il y a cet extrême que nous connaissons, et puis il y a des extrêmes chez les chasseurs-collecteurs, ceux que nous étudions, avec des gens qui se déplacent assez souvent pendant l'année tous ensemble. Et il y a toute une gamme entre les deux, avec des déplacements moins fréquents, du petit stockage qui permet éventuellement, stockage de viande par exemple, qui permet de rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il y a eu, dans les périodes que nous étudions, Claudine et moi, à partir de l'arrivée de Sapiens en Europe ou dans d'autres parties du monde, il y a eu des expériences de sédentarisation, partielle ou totale. Il y a par exemple un phénomène tout à fait passionnant aux alentours de moins 30 000, dans la zone République tchèque, Autriche. Là, il s'agit de chasseurs de mammouths. Et on a, depuis peu, des preuves de sédentarisation presque totale. C'est-à-dire que, vu l'abondance des ressources, les gens ont pu rester à demeure toute l'année dans les mêmes campements. Il y aura en parallèle de Pincevent que nous avons étudié, Claudine et moi, et nos collègues, il y aura en parallèle aussi des expériences à d'autres endroits du monde. Une expérience notable, c'est ce qui va se passer au Proche-Orient, dans la zone Syrie, Liban, Israël, où là, vous avez des chasseurs-cueilleurs qui se sédentarisent. Tu parlais des plantes, c'est une partie c'est un paramètre important, parce que ce sont des gens qui vont cueillir des céréales sauvages. Et c'est là que ce sont les ferments des premières sociétés agricoles de cette région. C'est à partir de là que se produiront les premières agricultures au Proche-Orient. Mais même sans aller aussi loin, rien qu'à Pincevent, parce que il y a effectivement différents degrés de nomadisme. Et les groupes sont extrêmement fluides en fonction de la manière dont leur environnement répond à leurs besoins. À Pincevent, on a donc des occupations qui, pendant un certain nombre d'occupations, sont de très courte durée. Donc on se dit, bon, les autres, ils circulent avec des installations de courte durée sur tout leur territoire. Et puis le dernier niveau de Pincevent est un niveau où manifestement ils sont restés quasiment tout l'hiver. Et donc là, on a une semi-sédentarité, c'est-à-dire qu'ils sont là tout l'hiver, avec probablement des petits groupes, vraisemblablement masculins, qui vont chasser parce que les réserves s'épuisent au fur et à mesure de l'hiver, qu'il faut aller chasser des animaux solitaires, que c'est un peu compliqué. Et puis, quand vient la belle saison, le groupe peut repartir, soit se séparer et chacun aller de son côté, soit aller tous ensemble dans des endroits où ils vont avoir des occupations plus courtes. On a donc déjà, rien que ici chez nous, un quelque chose qui est comme un début, entre guillemets, de sédentarité. Voilà, nous savons la réponse. Nous sommes tous descendants de nomades, ça c'est sûr. Après, il faut savoir de quel nomadisme il est question avec ces hommes, ces femmes qui s'arrêtent parfois quelque temps à un endroit et qui cuisinent. C'est la domestication du feu, environ 450 000 ans, qui a permis d'utiliser des plantes qui, avant, ne pouvaient pas l'être, parce que la cuisson permet de favoriser la digestion, d'éliminer un certain nombre de principes toxiques, et donc d'élargir grandement la palette végétale à la disposition de nos ancêtres. Alors, comme nous ne disposons pas de céramique à notre époque, eh bien, nous allons utiliser un four souterrain pour faire cuire ces plantes que nous avons ramassées. Et c'est une cuisson à basse température qui mettra plusieurs heures, voire même plusieurs jours si on mettait beaucoup de nourriture à cuire. Et c'est d'ailleurs très amusant parce que c'est un type de cuisson que redécouvrent maintenant les chefs cuisiniers, les grands chefs cuisiniers. On sait que pour garder toute la saveur des aliments, il faut faire cuire longtemps, à très basse température. Et donc je crois que la boucle est bouclée maintenant. Voilà, la boucle est bouclée. C'est François Couplan, ethnobotaniste, qui s'exprimait en 2003 alors sur l'utilisation du feu. Mais oui, dites-nous, oui, vous voulez réagir, Claudine? Oui, je réagis au fait que, comme ils n'avaient pas de récipient, ils ont fait des fours. Au Magdalénien, on a les preuves qu'ils faisaient des bouillons. Alors après, les récipients, ça pouvait être des pots tendus, ça pouvait être du bois creusé, mais on a la preuve, on a des pierres sur lesquelles on a pu analyser des cuissons de végétaux et de graisse. Donc les récipients, ça n'a pas été un énorme problème. Je pense qu'assez rapidement, ils ont trouvé les moyens d'avoir des récipients pour faire des cuissons. Voilà, il n'y avait pas de céramique. C'était pas sur le feu, voilà. C'était pas sur le feu, mais il cuisait. Voilà, il y avait des pierres, il y a le feu. Le feu, évidemment, laisse des traces. Il y a les os qui sont abîmés. Boris Valentin, quand vous vous trouvez sur un site, quels sont les indices qui vous disent « ici, nous avions une population nomade ». En fait, vous le savez, ils sont tous nomades, en fait, c'est ça. Mais savoir l'occupation, restait-il longtemps? Est-ce juste un petit point fixe comme ça? L'indice essentiel, c'est à travers le... Il se trouve dans l'analyse du gibier qui a été chassé. Et dans la détermination que nos collègues archéozoologues, dit-on, ceux qui travaillent sur les faunes anciennes, l'analyse des restes dentaires des jeunes animaux qui permet de déterminer la saison d'abattage. Et donc de voir s'il y a une seule saison qui est représentée ou bien plusieurs. Alors quand il y a plusieurs saisons, ça, évidemment, ça fait pencher vers la stabilité de l'installation et peut-être la sédentarité. Alors ensuite, il y a d'autres indices de sédentarité, parce que Claudine le disait tout à l'heure, j'aimais beaucoup ton image du studio, là où tout s'accumule. Même sur les sites de plein air, s'il n'y a pas de sédiments qui se déposent entre chaque passage humain, et ça arrive, eh bien, tout peut aussi s'accumuler. Donc, on pouvait avoir une occupation de printemps, puis une occupation d'été, les gens s'en vont, ils reviennent l'année suivante l'été, ils s'en vont à nouveau, l'année suivante l'automne, et tout ça s'accumule. Il y a des cas tout à fait explicites de ce genre, ça fait partie des difficultés de l'archéologie, c'est pour ça que les méthodes de fouilles doivent être extrêmement minutieuses. Alors là, dans ce cas-là, quand on a plusieurs saisons représentées, on va traquer d'autres indices de la sédentarisation. Par exemple, ce qu'on appelle les espèces, ça y est, le nom m'échappe, des espèces qui sont inféodées quelque part à l'homme. Je pense par exemple à la souris. Ou certaines espèces d'oiseaux, les espèces commensales, voilà, je cherchais le nom. Et c'est ce qui, par exemple, au Proche-Orient, dans ces sociétés contemporaines du Magdalénien que nous avons étudié, c'est ce qui permet de dire au Proche-Orient que certains chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés. Leur campement, toutes les saisons sont représentées, et il y a en plus ces espèces commensales qui montrent que ces animaux ont proliféré parce qu'il y avait là des gens à demeure et qui abandonnaient leurs déchets dont ces espèces se nourrissaient. Et dans la reconstitution d'un mode de vie, il y a souvent cette expression qui vient chasseur-cueilleur. Donc, comment cela fonctionne-t-il? Parce que vous nous avez dit, Claudine Carlin, qu'il y avait la possibilité de laisser un arbre se développer, voire de laisser quelques plantes ici, disant « je vais revenir ». Ça demande une connaissance absolue des cycles végétaux. Ah, mais ça, pour moi, il est clair que le niveau de connaissance des hommes préhistoriques est extrêmement important. Ils connaissent les plantes, ils connaissent les animaux, ils savent. On dit toujours que que leur technique est assez simple. Alors effectivement, on observe à Pincevent, par exemple, qu'il y a énormément d'objets qui sont simplement ramassés, des galets qui sont utilisés tels que. Ceci dit, si les techniques sont simples, les schémas mentaux peuvent être plus complexes. La taille du silex, c'est quelque chose d'assez complexe. Et en même temps, la connaissance de l'environnement, aussi bien des animaux, puisqu'ils sont capables ils choisissent dans le troupeau les animaux qu'ils veulent abattre, alors que c'est un troupeau sauvage qui leur passe sous le nez à toute vitesse, alors, on pense à Pincevent qu'il chassait au moment qu'il tirait les rennes au moment où les animaux traversaient les bras d'eau, les bras de Seine, parce que c'est à ce moment-là que le renne est le plus fragile et le plus facile à attraper. Le renne nage très bien, en plus c'est un animal grégaire, donc quand il y en a un qui passe, tous les autres passent derrière, et donc on pense que les hommes devaient tirer les rennes et le reste des femmes et enfants devaient servir de rabatteurs. Ils tiraient avec quoi ? Une sagaie, un arc? Boris te laisse. Bon, probablement dans le Magdalénien avec sagaie et propulseur, à d'autres moments de cette préhistoire du paléolithique récent, donc de Sapiens, de Cro-Magnon, avec des arcs. Hein, les deux systèmes existent. Non, je voulais ajouter juste une petite chose parce que on comprend bien à travers ce que dit Claudine que le nomadisme préhistorique, en tout cas chez Sapiens, notre espèce, c'est pas un manque de sédentarité. Non, ce sont des gens qui ont, j'allais dire, toutes les dispositions, le potentiel pour se sédentariser par la connaissance très très fine qu'ils ont des ressources qui les environnent. Non pas que la sédentarisation soit supérieure au nomadisme, mais justement qu'on comprenne bien que ça n'est pas un manque de quelque chose. C'est un autre mode de vie, alors qui relève de l'obligation, certainement, dans certaines circonstances environnementales, mais qui peut relever du choix aussi dans des circonstances qui, justement, se prêteraient à la sédentarisation. Parce que la sédentarisation a beaucoup de contraintes, ne serait-ce que l'augmentation démographique que l'on constate très fréquemment chez les chasseurs-cueilleurs, dès qu'ils se sédentarisent, et le contrôle aussi des stocks, puisque souvent la sédentarisation s'accompagne ou est permise par la constitution de stocks. Donc, qui contrôle les stocks? Et ça peut créer des inégalités sociales très importantes. La sédentarisation, chez les chasseurs-cueilleurs, représente des opportunités et aussi beaucoup de contraintes. On peut donc penser que dans certaines circonstances, les gens n'ont pas choisi ce mode de vie et ont choisi le nomadisme. Et j'ajouterais que c'est un mode de vie qui façonne complètement l'esprit humain. Je veux dire que c'est une relation à la nature qui est tout à fait particulière et avec un respect de la nature, un respect de l'environnement. Et j'ai travaillé en Sibérie et dans un village qui a été sédentarisé. Mais la présence du nomadisme est tellement forte, même chez des gens sédentarisés, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à penser autrement que cette relation à les femmes, par exemple, qui travaillent les peaux de rennes, puisque il y a des sauve-causes avec des rennes domestiques, jamais elles ne travailleront une peau de renne dans un appartement. Elles ont des tentes autour du village et elles vont travailler les peaux autour du village. Et dans certaines maisons du village, quand c'est des maisons et pas des petits immeubles, les gens mettent des tentes dans leur jardin pour garder quelque chose de ce mode de vie et de cette relation à l'environnement. Claudine Carlin, vous êtes préhistorienne et justement dans votre démarche, il y a le regard portée sur les populations d'aujourd'hui, nomades, pour comprendre les populations du passé. Il faut le rappeler, il y a encore plein de populations nomades dans le monde. Tout à fait. Et l'idée, toujours dans l'esprit de Leroy Gouron, parce qu'en définitive, c'est le travail que nous avons conduit en Sibérie, c'est dans la continuité de ce que nous avons appris auprès de Leroy Gouron. L'idée, c'était un petit peu, on est, Boris, moi, on est des universitaires sédentaires, vivant à Paris. Alors bon, il nous arrive peut-être de faire un peu de camping quand on va sur un chantier, mais on connaît rien à la vie nomade. Et l'idée, c'était, le matériel archéologique, il répond pas de lui-même. Il répond quand on lui pose des questions. Donc il faut qu'on formalise ces questions. Or, vous ne formalisez des questions qu'à partir de ce que vous avez en vous. Si vous ignorez, il y a des choses que vous ignorez complètement, ça ne vous viendra pas à l'esprit de formuler la question. Et donc l'idée, ça a été, en partant chez des peuples nomades vivant du Rennes, dans un contexte environnemental un peu proche de celui qu'on imagine pour les Magdaléniens, de se trouver en position de poser de nouvelles questions, d'enrichir sa propre expérience. Et il y a deux choses. Il y a à la fois le fait que on va essayer de comprendre notre matériel à partir de ce qu'on va voir dans le campement, mais en même temps, le fait de voir un campement va nous faire voir ce que la vie amène, qu'il ne nous vient pas à l'idée de chercher dans le campement préhistorique, parce qu'en tant qu'archéologue, on part des vestiges qui existent. Ouais, et on ne cherche pas ce qui manque parce qu'on ne sait pas ce qui manque. Exact. Donc vous quittez la Sibérie, vous revenez à Pincevent. On parle beaucoup de Pincevent. Allez, je vous propose de changer de site. Bonjour madame. Vous êtes égarée peut-être? Oh ma foi, pas du tout. Complètement. Nous sommes complètement égarés dans la forêt de Sénart, madame. Quoi? Mais taisez-vous donc, vous allez tout gâcher. Vous connaissez sans doute la forêt, madame? Le mieux du monde. Je la fréquente depuis très longtemps. Pour l'instant, je me rends à Étiole, au bord de la Seine. Oh, quelle coïncidence, nous aussi! Eh bien, vous, pour renverser les rôles, ça vous apprendra. Mais vous étiez dans la direction opposée à celle d'Étiole, messieurs. D'ici, il faut rattraper la route du Beauchêne, longer la mare au diable, passer à la Faisanderie, et enfin suivre le ruisseau des Audres jusqu'au village, à moins que vous ne préfériez traverser le bois normand. J'espère que vous avez noté tout ça, Marcel. Mais franchement, chère madame... Franchement! Vous aimeriez autant que je vous serve de guide? Ah bah oui, et puis ce guide, en l'occurrence, c'est Marcel Auclair, femme de lettres, qui a fondé le magazine Marie-Claire. Et nous trouvons ici, c'était en 1961, dans la forêt d'Étiole. Boris Valentin, vous connaissez bien ce site? Je connais bien, j'y suis responsable actuellement de fouilles, sur un site qui est pratiquement contemporain de Pincevent. Ce sont les petits cousins à tous les titres, hein, parce que ce sont donc des sociétés analogues à celles de qui ont fréquenté Pincevent, de même culture, il y a donc 13 000 ans. Et puis c'est aussi une partie des élèves de Leroy Gouron qui est allée travailler sur ce site très très bien conservé aussi. En 1972, on fête cette année le cinquantenaire des fouilles. Et là, donc, à la confluence entre le rue des Auldres, dont on a entendu parler, et la Seine, il y a un véritable trésor archéologique, comme à Pincevent, avec une quinzaine de niveaux d'occupation correspondant à des campements de chasseurs-cueilleurs de la fin des temps glaciaires. Donc, c'est un autre oasis documentaire, comme dit un de mes camarades, c'est-à-dire un lieu où la conservation est optimale. Ils sont pas nombreux en préhistoire. Il faut voir qu'on raisonne sur des bases statistiques assez faibles. Hein. C'est une archéologie qui ne dispose pas de beaucoup, beaucoup de sites. Et donc, il est très important, comme à Pincevent, d'y fouiller longuement, 50 ans pour Étiole. Pincevent, c'est encore plus. De façon à observer des régularités, et c'est à partir du moment où il y a des régularités qu'on voit que les campements ont souvent la même forme, les mêmes activités ont été pratiquées, ou bien des divergences. Claudine évoquait le dernier niveau de Pincevent tout à l'heure, des anomalies, dirais-je, et c'est comme ça que l'on construit petit à petit une histoire de ces derniers chasseurs. Moi, je voudrais juste insister là-dessus et revenir un instant à l'ethnologie. On a trop tendance à voir la préhistoire comme un gros bloc où rien ne se passe, figé, l'âge de glace, comme je dis parfois. Il y a une histoire à saisir. Et ces chasseurs-cueilleurs, plus ou moins nomade, on l'a compris, selon les moments, selon les circonstances, n'ont pas vécu toujours de la même façon. De même que l'ethnographie nous apprend qu'il y a chasseurs-cueilleurs et chasseurs-cueilleurs. On a parlé des chasseurs-cueilleurs sédentaires et des chasseurs-cueilleurs nomades. Et même chez les chasseurs-cueilleurs nomades, il y a eu des sociologies différentes, des modes de vie différents. Et c'est cette diversité qu'on essaye de déplier, cette fois-ci, pas dans l'espace comme les ethnologues, mais dans le temps, car nous sommes archéologues. Mais oui, puis le temps, c'est essentiel dès qu'on veut comprendre le passé. Néolithique, l'agriculture a-t-elle fait le malheur des hommes? C'est le titre d'un numéro de l'Histoire. Vous y avez collaboré, hein, Boris Valentin, avec cette réflexion sur le néolithique, l'agriculture. Bien sûr, nous avons besoin de ces repères chronologiques avec des dates pour que ce soit clair dans nos têtes. Moins 36 000, la grotte Chauvet, et puis Lascaux. Alors là, beaucoup plus proche de nous, le néolithique, moins 10 000, etc. Ça ne veut rien dire, en fait. On le sait bien, tout cela se superpose et les transitions sont lentes. Claudine Carlin, il n'y a pas l'invention de la sédentarité d'un seul coup. Pas du tout. Non, non, je crois que les choses se sont faites très lentement. Et quand j'évoquais tout à l'heure le fait que les nomades qui ont été brutalement sédentarisés aujourd'hui ont du mal à continuer dans la tête à être nomades, je pense que le passage lent vers la sédentarité, c'est fait en même temps, c'est pas fait de manière linéaire, c'est-à-dire il n'y a pas eu des nomades puis après des sédentaires, il y a eu des nomades et puis des sédentaires qui sont redevenus nomades et puis des nomades qui sont repartis vers une autre, etc. Ça constamment, il y a des va-et-vient constants en fonction du temps, des difficultés, je ne sais pas ce que pense Boris. Oui, je pense que effectivement, la préhistoire a d'abord raisonné en cherchant des grands repères, en confondant aussi les grands repères que l'on constate en Europe, où l'histoire très ancienne est une histoire de succession. C'est-à-dire qu'il y a des effets des sortes d'effets de seuil. On passe de l'époque des chasseurs-cueilleurs à l'époque des agriculteurs en Europe, j'entends. Mais en Europe, l'époque, les agriculteurs et les pasteurs, ce sont des inventions externes. C'est une néolithisation, comme on dit, secondaire. Ça arrive tout fait du Proche-Orient. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui est sans doute rapide. En revanche, dans les parties du monde où la néolithisation est primaire, où le passage à l'agriculture, voire à l'élevage, est local, eh bien là, les processus sont très lents. Donc on a tendance à voir les choses effectivement de façon très rythmée, avec des seuils. Tout dépend des points d'observation où on se place dans le monde. Il faut bien voir que l'histoire en Europe est une histoire qui est faite de successions sociologiques, alors qu'il y a plein de les autres continents, vous avez plutôt des coexistences sociologiques, ce qui font que aujourd'hui des sédentaires coexistent encore avec des nomades, qui font encore qu'il y a des endroits dans le monde où des agropasteurs, voire des sociétés industrielles, coexistent avec des chasseurs-cueilleurs. Et puis nous sommes tous restés peut-être un peu nomades. Et j'ai fait cette marche pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais eu un accident, je me relevais d'un séjour à l'hôpital. Et pour moi, la marche représentait une bonne manière de reconquérir mes forces. Les médecins appellent ça la rééducation. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, je voulais voir à quoi ressemblait ce pays qui s'appelle la France et que je ne connaissais pas. J'ai passé des décennies à voyager beaucoup autour du monde et c'était un peu idiot de connaître la Sibérie, la Mongolie, le Tibet et de ne rien savoir de l'Indre-et-Loire et de la Creuse. Ah bah oui, parce qu'il y a de très belles choses à voir en Indre-et-Loire et dans la Creuse. C'est Sylvain Tesson qui s'exprimait à propos de son livre sur les chemins noirs. C'est un ouvrage de 2016. Et oui, il retrouve la marche. Et dans cette idée de comprendre nos ancêtres, Claudine Carlin, il y a la marche aussi. Il se déplaçait beaucoup. Vous avez essayé, vous, de faire des déplacements comme il pouvait le faire? Je ne sais pas si entre Pincevent et Étiole, il pouvait échanger facilement. Oh, sûrement. Je veux dire, il marchait sûrement. Alors, en plus, on dit toujours que les nomades sont des gens qui ont un bagage très léger. Mais même un bagage très léger, ça peut peser lourd, parce que par exemple, une toile, une peau de tente, c'est très lourd. Or, en préhistoire, il n'y avait pas de chiens pour traîner, il n'y avait pas d'animaux domestiques pour porter, donc il devait transporter. Et ça pose la question, parce qu'en plus, je reviens à Pincevent, je suis désolée, l'habitation d'hiver est une grosse habitation, une grosse tente fermée, alors que dans les occupations de belle saison, d'automne, c'est tellement léger qu'on a du mal à imaginer. Donc, il devait prendre des morceaux de tente, des choses très... Mais qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il se déplaçait de la grosse tente qu'il n'emportait pas? Donc, ça pose plein de questions de transport. Est-ce qu'ils avaient des lieux où ils cachaient peut-être des plateaux en hauteur sur lesquels ils mettaient à l'abri les pots des tentes dont ils allaient avoir besoin dans une autre saison et qu'ils venaient rechercher. Aujourd'hui, en Sibérie, les habitations d'hiver ne sont pas les mêmes que les habitations d'été. C'est-à-dire que la structure est la même, mais la peau qui va recouvrir la structure n'est pas la même. Et ils ont un endroit où ils vont laisser en attente la peau, l'habitation ou les peaux qu'ils ne vont pas utiliser pendant la belle saison, et l'inverse. C'est passionnant, hein, c'est passionnant parce que cela nécessite eh bien, de comparer les différents sites et puis de comparer avec aujourd'hui. Il faut faire des hypothèses aussi, Boris Valentin. Oui, justement, pour rendre les choses très, très concrètes, moi je m'étais amusé à chercher un tout petit peu dans la littérature ethnographique l'ampleur des distances qui pouvaient être parcourues à l'échelle d'une année, à l'échelle d'une vie, par ces gens qui, vous l'avez compris, nous intéressent tout spécialement, ces gens de la fin des temps glaciaires en région parisienne. Donc, pour donner une image, hein, en gros, le territoire saisonnier, si on compare à ce que font les chasseurs-cueilleurs dans des circonstances environnementales analogues, ça pourrait être la moitié du département de l'Essonne chaque année. Donc c'est pas énorme. Hein. Alors en revanche, ça ne dit pas tout de la mobilité des individus sur toute une vie. Et on revient un peu au paradoxe du début sur une espèce territoriale et finalement, vous voyez, qui nomadise sur des surfaces assez... pouvait nomadiser sur des surfaces assez limitées. À l'échelle d'une vie, là aussi, recours à des données ethnographiques, un individu, lambda, de ces sociétés de la fin des temps glaciaires, aurait pu parcourir deux fois l'Île-de-France. Et cette fois-ci, c'est pas seulement à la faveur des déplacements saisonniers. C'est aussi la mobilité, on n'en a pas parlé, la mobilité sociale qui existe chez ces gens-là. Ce sont des gens qui, si on se tourne vers l'ethnographie, nomadisent en groupe de 20 à 30 environ, plusieurs familles, donc plusieurs unités familiales, mais qui peuvent aussi assez aisément passer d'une bande à l'autre, avec laquelle ils entretiennent donc des relations d'alliance. On revient au petit coquillage de tout à l'heure. Ça, c'est un peu de l'assurance-vie. Hein. Ça permet, lorsque les ressources diminuent quelque part, de rejoindre des alliés de façon à limiter la pression sur l'endroit où les ressources diminuent. Et puis, ça permet aussi, parce que ce sont des sociétés qui ont en commun ces chasseurs-cueilleurs mobiles, l'absence d'inégalité sociale, ça c'est un élément fédérateur assez fort hein, dans ce qu'on voit par l'ethnographie, et donc ça permet aussi de s'écarter lorsque les tensions peuvent advenir dans un groupe, lorsque quelqu'un prend un tout petit peu de trop d'ascendant sur les autres, etc. Donc il y a à la fois, vous voyez, une mobilité finalement assez restreinte, donc c'est pas des parcours, les gens sont pas tout le temps sur la route, mais ça ne les empêche pas à l'échelle d'une vie d'aller voir ailleurs hein, si l'herbe est plus verte. N'oublions pas la curiosité humaine hein. Ah, c'est essentiel, la curiosité. Boris Valentin, vous êtes professeur en archéologie préhistorique à l'université Paris 1, hein, Panthéon-Sorbonne, l'auteur du Paléolithique, c'est un que sais-je, et moi j'aime beaucoup cette idée de multiples possibilités dans le passé, dès qu'il est question de nomadisme, s'il faut mettre une date au moment où apparaît la sédentarisation, on serait à peu près quand ? Il y a eu donc des expériences par le passé, je disais vers 30 000 avant Jésus-Christ, de sédentarité, mais c'est vrai qu'il y a un faisceau d'apparition un peu partout dans le monde, à l'extrême fin des temps glaciaires, donc aux alentours de 14 000 avant Jésus-Christ, 12 000 avant Jésus-Christ, 10 000 avant Jésus-Christ. Sans doute dans des circonstances climatiques aussi, celles qui mènent au réchauffement du climat que nous connaissons depuis 10 000 ans. Et c'est là qu'en particulier dans les zones côtières ou au bord de certains fleuves, l'abondance particulière des ressources a conduit certaines personnes à profiter de ces ressources qui étaient présentes toute l'année, ou au contraire à les stocker s'il y avait des ressources très abondantes à une saison, de façon à pouvoir faire la soudure pendant les mois difficiles. Et c'est là que c'est donc, on va dire, entre 20 000 avant Jésus-Christ et 10 000 avant Jésus-Christ, plusieurs sociétés vont se sédentariser tout en gardant le mode de vie de chasseur-cueilleur. Oui, parce que Claudine Carlin, le nomadisme continue malgré tout. Oui, mais je voudrais revenir sur un mot qu'a dit Boris, c'est des sociétés sans hiérarchie. C'est des sociétés de partage, en tout cas. C'est des sociétés où, quand on est dans un groupe, une bande nomade, il n'y a pas quelqu'un qui meurt de faim. Par contre, c'est des sociétés où chacun a un statut. Et l'organisation de l'espace traduit ce statut. C'est-à-dire que dans le campement, vous allez avoir celui qui va diriger les opérations, le maître de chasse là, qui va s'installer à un endroit, et les autres vont se positionner par rapport à lui avec une hiérarchie dans la position des tentes. Et en plus, à l'intérieur même de l'habitation, il y a une organisation qui montre, en tout cas en ce qu'on est en train de montrer, un espace masculin, un espace féminin. Alors c'est plus compliqué pour voir s'il y a un espace selon l'âge, mais il y a une organisation sociale qui donne une hiérarchie qui est marquée dans l'espace du campement. Et j'aime bien parce que vous n'avez pas utilisé le mot chef. On essaie de faire attention parce que ce qu'on sait, mais si on reprend l'exemple de Pincevent, c'est une chasse collective. Il y a énormément de troupeaux qui passent, le troupeau est important. Une chasse collective, s'il n'y a pas quelqu'un qui dirige les opérations, c'est la pagaille. Donc il y a obligatoirement, et à Pincevent on le voit très bien, c'est-à-dire que les tentes sont organisées d'une certaine façon, tournées vers l'est, et celui qui va diriger la chasse, lui, est tourné en sens inverse et a tous les autres dans le regard. Ah, c'est passionnant. Bah, écoutez, pour aller plus loin, un automne à Pincevent, ça c'est le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Michel Julien. Merci beaucoup, Claudine Carlin, de nous avoir fait visiter Pincevent. Et puis merci à vous, Boris Valentin. Je rappelle, il y a le numéro de l'histoire pour le néolithique. Et puis si on veut remonter un peu en arrière, il y a votre que sais-je, le paléolithique. Merci à tous les deux de nous avoir fait voyager dans ce monde fabuleux. Mais le voyage continue maintenant dans le cours de l'histoire sur France Culture, puisque nous retrouvons Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi et comment Éric Zemmour déforme l'histoire ? Une fois n'est pas coutume, ma chronique d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation d'un livre. Il s'agit du petit ouvrage publié par une quinzaine d'historiennes et d'historiens dans la collection Tract aux éditions Gallimard, intitulé « Zemmour contre l'histoire ». Étant donné que ce journaliste a annoncé qu'il se présentait aux élections présidentielles, certains d'entre vous se demanderont peut-être s'il est légitime que des universitaires sortent de leur salle de cours ou de leur bibliothèque pour critiquer un candidat. Dans le cas d'Éric Zemmour, cette démarche publique se justifie parce qu'il est le seul à avoir publiquement affirmé que c'est sa connaissance de l'histoire qui l'avait conduit à élaborer son programme politique. Étant donné qu'il se place sur le terrain historique, il était légitime que celles et ceux dont c'est le métier d'étudier et d'enseigner l'histoire interviennent pour éclairer les citoyens sur la façon dont Éric Zemmour déforme les faits historiques. Toute sa rhétorique repose sur la polysémie du mot « histoire », terme qui peut être utilisé par les romanciers qui inventent des histoires, par des entrepreneurs de mémoire qui défendent leur communauté et par des enseignants-chercheurs qui sont payés par l'État pour produire des connaissances scientifiques. Nous savons aujourd'hui que l'objectivité, avec un O majuscule, n'existe pas. Nos centres d'intérêt, nos passions, notre histoire personnelle jouent un rôle dans les connaissances que nous produisons sur le passé. Néanmoins, le métier d'historien repose sur des règles communes à tous ceux qui l'exercent. Ce sont ces règles que Marc Bloch a défendues pendant la Résistance contre le maréchal Pétain et les pseudo-historiens de son temps, comme Jacques Bainville et Charles Maurras, qu'Éric Zemmour tente aujourd'hui de réhabiliter. Les historiennes et les historiens qui se sont mobilisés pour écrire ce petit livre appartiennent à des générations différentes. Leurs recherches portent sur des périodes et des thèmes différents. Mais ils partagent la déontologie du métier d'historien que nous a légué Marc Bloch. La façon dont Éric Zemmour utilise l'histoire piétine les règles élémentaires de la méthode historique. Il n'a jamais mis les pieds aux archives et se contente de découper des citations pour alimenter un discours de haine complotiste et apocalyptique qui s'inscrit dans le prolongement direct des idéologies nationalistes de l'extrême droite. Incapable de répondre aux critiques que les historiens sérieux lui adressent depuis longtemps, il utilise les puissants moyens médiatiques dont il dispose pour tenter de nous discréditer. Voilà pourquoi, en avril 2019, il a été jusqu'à affirmer que « la plupart des historiens qui se prétendent scientifiques sont devenus de nouveaux prêtres qui servent de nouveaux dieux ». La quinzaine de petits textes réunis dans ce livre vous permettra de juger par vous-même et de mieux comprendre comment Éric Zemmour s'y prend pour déformer l'histoire, depuis l'époque de Clovis jusqu'à la guerre d'Algérie, en passant par les croisades, les guerres de religion, la Révolution française, l'affaire Dreyfus, le maréchal Pétain et Simone de Beauvoir. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Ce pourquoi du comment, ainsi que toutes les émissions du cours de l'histoire, sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. Une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delacroix et une émission préparée par Pauline Maragou, que je n'oublie personne. Nous continuons notre semaine nomade. Attention d'être bien chaussés.